Lettre 32e. Maison de santé de Vambes, l'anglais, la folie religieuse, excellente disposition de l'établissement. L'établissement de messieurs voisins et Fabray pour la réception et le traitement des aliénés, m'ayant été indiqué comme un exemple des perfectionnements tentés avec succès en France, et qui pourrait être utilement importé en Angleterre, je résolus de le visiter, et j'y fus conduite par une dame qui non seulement connaissait fort bien les deux personnes qui le dirigent, mais qui avait eu en outre l'occasion de s'instruire à fond de tous les arrangements intérieurs de la maison, où elle avait eu le malheur d'être obligée de placer un ami que, pendant plusieurs mois, elle allait régulièrement visiter. Cette circonstance me procura l'accueil le plus empressé et l'explication la plus détaillée du système suivi, système qui me paraît réunir, sur une vaste et noble échelle, tout ce qui peut contribuer à soulager la souffrance des patients et à leur rendre la santé. Cet établissement est situé à Vanves, village à une lieue de Paris, dans un site magnifique, dont l'on jouit d'une foule de superbes points de vue qui en font un séjour délicieux. Les jardins sont vastes et bien distribués, on y trouve alternativement, et dans toutes les directions, de l'ombrage, des fleurs, des bancs et de riants sentiers. Le parc, qui est clos de murs, contient plus de 50 arpents, et toutes ces parties sont à la disposition de ceux d'entre les malades dont l'état leur permet d'en jouir et qui peuvent le parcourir en toute sûreté. Dans ce parc, on trouve de loges distinctes qui, dans certaines occasions particulières, offrent la plus profonde retraite quand un silence absolu est nécessaire. Le principal but, en effet, que l'on paraisse être proposé dans toutes les dispositions, est de pouvoir tenir les patients assez séparés les uns des autres pour qu'ils ne puissent ni se voir ni s'entendre, jusqu'à ce qu'ils soient assez avancés vers leur guérison, pour qu'ils trouvent à la fois du plaisir et de l'avantage à la société de ceux qui sont dans le même état de convalescence qu'eux. Quand ils parviennent à cette période favorable de leur maladie, ils se réunissent à la famille des directeurs, dans de fort beaux salons, où des livres, des instruments de musique et un billard contribuent à leur faire passer agréablement le temps. Chaque patient a une chambre à coucher séparée, où les précautions nécessaires à leur sûreté ne sont jamais visibles. Ceux qui, partout ailleurs, offriraient l'apparence de barreaux de fer, se cachent ici sous la forme d'élégantes jalousies. Pas un verrou, pas une fermeture n'est reconnaissable, ni aucun objet qui serait de nature à choquer l'esprit dans les moments où un rayon d'intelligence revient passagèrement le visiter. Ainsi que je viens de le dire, le premier but paraît être de cacher aux malades leur propre état et celui de leurs infortunés compagnons. Après cela, vient le système d'après lequel on persuade aux patients du sexe masculin d'exercer leur corps et de divertir leur esprit en travaillant dans le jardin un ouvrage quelconque, sans égard à sa bizarrerie ou son inutilité, pourvu qu'il contribue à tenir le corps salutairement employé. Tout ce qui peut les tranquilliser et les réjouir semble avoir été mis en usage. La partie du terrain la plus rapprochée de la maison est divisée en plusieurs petits jardins bien enclos qui communiquent les uns avec les appartements des femmes, les autres avec ceux des hommes. Dans plusieurs de ces jardins, j'observais de jolies petites tables semblables à celles que l'on trouve chez les restaurateurs de Paris. Et à chacune de ces tables était assise une personne qui dînait seule de la manière la plus confortable. Monsieur voisin fit le tour de tout l'établissement avec nous, et je remarquai que la meilleure intelligence paraissait régner entre ses patients et lui. Les amis des malades peuvent en tout temps venir les voir sans aucune contrainte, règlement qui ne peut manquer d'augmenter la confiance et d'être également avantageux aux uns comme aux autres, car il n'est pas probable que les personnes qui se trouvent dans la malheureuse nécessité de placer un de leurs parents ou amis dans une maison de ce genre veuillent entraver la discipline à laquelle ils sont soumis pour leur propre bien. Dans une des cours consacrées à l'usage des hommes, dont la guérison est assez avancée pour leur permettre de se réunir les uns avec les autres et de se livrer aux différents jeux disposés pour leur distraction, je vis un Anglais qui avait barbouillé les murs de sa chambre d'une quantité de phrases détachées écrites au crayon, la plupart sur des sujets religieux. Chacune des pensées semblait dictée par la souffrance la plus aiguë, et souvent les caractères en étaient tracés d'une main incertaine et guidés en apparence par un effroi extrême. Quel est celui qui peut supporter le fer et la flamme pour toujours, et toujours, et toujours? La mort est devant nous. L'enfer la suit. l'abîme sans fond, des gémissements, des tortures, des angoisses, pour toujours. » De semblables phrases étaient encore lisibles en plusieurs endroits, quoiqu'il y en eût beaucoup d'effacés. Qui peut s'étonner qu'une âme aussi préoccupée perde cet équilibre parfait dans lequel la nature a placé ses facultés, de manière que chacune d'elles sert de gardienne et de surveillante aux autres? Ce malheureux avait perdu la raison dans le moment où il se convertissait. Son jugement était complètement renversé. L'imagination s'était mise à sa place, noire comme la nuit, sombre. Oh, bien plus sombre que le tombeau, revêtu de la plus épaisse fumée de l'enfer et armé de tous les moyens d'infliger les souffrances que le génie des hommes a pu inventer. Qui pourrait s'étonner de sa démence? Parmi les crimes jugés par les cours d'assises, y en a-t-il beaucoup qui égalent en atrocité celui d'égarer un esprit qui cherche à élever vers le ciel son humble espérance? Je me sentis particulièrement intéressé en faveur de ce pauvre aliéné, tant parce qu'il était mon compatriote, qu'en sa qualité de victime de la plus effroyable tyrannie qu'un homme puisse exercer sur un autre homme. Il n'est pas difficile de croire qu'un esprit ferme puisse s'armer contre toute autre attaque et qu'il dise avec Hamlet « Je n'estime pas plus ma vie qu'une épingle ». Mais dans ce cas, ce sera une vaine fanfaronnade d'ajouter « Et pour mon âme, que peut-il lui faire puisqu'elle est immortelle comme lui ?» Car hélas, c'est cette immortalité même qui inspire en l'espérance la consolation et la force dans toute autre espèce de persécution, dans celle-ci au contraire, paralyse l'être souffrant et donne un pouvoir si terrible au misérable blasphémateur qui lui apprend à se détourner avec effroi de son Dieu. Monsieur Voisin me dit que cet infortuné jeune homme devenait de jour en jour plus calme et plus tranquille et qu'il ne doutait pas de sa parfaite guérison. Si j'en accepte, mon pauvre compatriote, la seule personne que je vis de qui la situation fut pénible à contempler était une jeune fille qui n'était arrivée que de la veille. Il y avait dans ses yeux une manière agitée, inquiète, de fixer tour à tour ses regards sur tous les objets qui l'entouraient, sans qu'aucun d'eux parût lui présenter une idée distincte, et une vague incertitude sur le lieu où elle était, incertitude qui n'était pas assez forte pour lui causer de la surprise, mais qui la privait cependant de cette sensation de repos que l'on éprouve que chez soi. Pauvre fille, qui sait si quelque pensée indéterminée, impossible à fixer, ne lui présentait pas parfois l'image de sa mère. Car je crus remarquer que, pendant que je regardais son visage, si pâle, ses traits offrirent plus d'une fois un rayon passager de mélancolie raisonnable. Elle toussait souvent, mais sa toux paraissait affectée, ou, pour mieux dire, elle semblait être un effort causé moins par l'irritation des poumons que par un besoin de changement, car elle ne savait où prendre, comment chercher. Elle paraissait désirer surtout de se débarrasser des soins d'une femme qui la servait, et toute sa conduite indiquait une agitation douloureuse qu'il était extrêmement pénible de contempler. Je fus encore cette fois consolé par l'assurance qui me fut donnée que son état ne présentait aucun symptôme qui dût faire désespérer de sa guérison. Je me rappelle que quand j'allais voir la maison des aliénés près de New York, on me dit que les causes les plus fréquentes de la démence étaient la religion et l'ivrognerie. À Paris, ces causes sont l'amour, le jeu et la politique, et certes, ces renseignements s'accordent parfaitement avec ce que l'expérience nous apprend. Le médecin de New York me dit que la folie qui résultait de l'ivresse était, dans le plus grand nombre de cas, susceptible d'une guérison parfaite, mais que celle qui provenait de causes religieuses était bien plus opiniâtre. On m'a dit absolument la même chose à Paris. Car ici il arrive aussi parfois, quoique beaucoup moins souvent, que la raison est troublée par un état d'ivresse répété et prolongé. Quand l'amour ou la politique se sont emparés de l'âme au point de troubler la raison, la guérison est moins certaine et plus lente. Monsieur Voisin me dit encore qu'il a constamment remarqué que les premiers symptômes de la folie sont une sorte d'incertitude, d'indifférence, d'altération dans l'affection que l'on porte à ses parents et à ses amis. L'apathie, la froideur, et dans quelques pas la répugnance ou même une violente antipathie se manifeste envers les personnes à qui le malade était auparavant le plus tendrement attaché. Quelquefois, mais pas très souvent, il lui prend des accès capricieux d'affection pour des étrangers, mais sans aucune apparence de motif et toujours pour peu de temps. Le symptôme le plus assuré d'un retour vers la santé est le réveil du cœur et le retour de ses sentiments naturels et de ses anciens attachements. Il y avait dans la maison une vieille dame que je considérais, pendant qu'elle mangeait son dîner de légumes et de fruits, devant une petite table servie dans un des jardins. Elle avait décoré son chapeau d'une quantité innombrable de brillants brimborions, et elle l'avait placé sur sa tête de l'air le plus étudié et le plus coquet imaginable. Elle mangeait avec toutes les grâces minaudières d'une jeune beauté, qui prend avec une fourchette d'or, sur une assiette en cristal, du raisin à une guinée la livre. Je suis sûr que dans sa pensée, elle jouissait de tout le bonheur que donnent la beauté, la fortune et l'admiration des hommes. Puis, quand je contemplais les rides qui défiguraient ce visage, jadis si beau, je ne pouvais me persuader que la démence fût pour elle un malheur, car bien que l'on ne pût m'apprendre ce qui l'avait causé, je ne doutais pas qu'il ne fallût l'attribuer un sentiment de vanité profondément blessé. Et si cette conjecture est conforme à la vérité, quelle consolation le monde pouvait-il lui offrir, égale aux illusions qui aujourd'hui répandent un air de douce satisfaction sur sa physionomie? Ne devons-nous pas, par pitié, prier le ciel de faire durer son erreur? Il était facile de deviner ce qui se passait dans cette pauvre vieille tête, tout absurde qu'étaient ses idées. Mais il y en avait une autre que j'étudiais pendant fort longtemps sans qu'il me fût possible de rien découvrir, et pourtant, je désirerais bien savoir quelle vague pensée remplissait cette jeune cervelle. Une fort jolie personne, dont les cheveux et les yeux étaient noirs comme du jais, était assise absolument seule dans un des jardins sur un banc agréablement ombragé. Sa physionomie ressemblait à un beau paysage, dont le ciel est tantôt éclairé par un brillant soleil et tantôt couvert de nuages. Elle souriait, et l'instant d'après, elle paraissait prête à pleurer. Mais avant qu'une larme pût tomber de ses yeux, ses belles dents se montraient de nouveau dans un sourire sans expression. De quelle nature étaient les images qui flottaient ainsi dans sa pensée? Était-ce l'effet de la mémoire, ou bien les émotions changeantes occasionnées par la course rapide d'une imagination qui cesse d'être guidée par la main ferme de la raison? Ou bien encore, n'était-ce rien de tout cela, mais seulement des mouvements involontaires des muscles, imitant ceux qu'ils avaient coutume de faire quand ils étaient gouvernés par la raison? J'ai souvent trouvé fort étrange que l'on éprouvât tant de plaisir à contempler sur le théâtre la représentation de la condition la plus douloureuse et la plus humiliante dans laquelle l'homme puisse être placé. Ce qui m'a étonné bien davantage encore, c'est que tant de milliers de personnes se rassemblent toutes les fois que la loi ordonnait qu'une âme malheureuse sera, par la main de l'homme, séparée du corps dans lequel elle a péché. Mais je ne sais si l'intérêt extrême que je prends à mon tour à contempler la nature humaine privée de la raison n'est pas plus étrange encore. Je ne puis en aucune façon l'expliquer, mais la chose est ainsi. Il m'est impossible de m'éloigner sans regret du spectacle de la démence, et pourtant je ne cesse d'éprouver la sensation la plus pénible pendant que j'y assiste, et je sais qu'elle sera suivie d'autres sensations bien plus pénibles encore quand je n'y assisterai plus. Je dois dire toutefois que l'établissement de Vanves offre de toutes parts une si grande apparence de confort, de tendresse et de soins que l'aspect de la démence y est beaucoup moins pénible que partout ailleurs. Et quand je vis l'air de santé physique avec lequel un grand nombre de patients s'apprêtaient à se livrer à leur récréation pendant les heures consacrées aux exercices, chacun selon son goût ou son caprice, dans un vaste local et avec des accessoires bien choisis, je ne pus m'empêcher de former le souhait que tous les asiles destinés à servir de demeure à cette portion infortunée du genre humain fussent arrangés sur le même plan et dirigés d'après les mêmes principes.